que tu m'as irrité. Va m'éviter, je sais pas, dessiner. Si je m'y mets, tu vas halluciner. Chez moi, c'est inissimissimissé, yeah. All right.